Mais ils se rendent-tu compte de la dangerosité de leurs propos? Moi, là, j'en reviens pas. Là, je les entends se défendre. Tout le monde était fâché. OK, ça... Tu sais, les présidents de syndicats, parents, le gars des pompiers. OK, ça dérape un peu, mais n'oubliez pas une chose. Nous étions fâchés, mais depuis quand, maudit, le fait d'être fâché permet à un citoyen de devenir violent et d'enfreindre les lois? Si tu t'en vas dire ça, au vu et au su de tout le monde, watch out, là. Parce que moi aussi, je suis fâché, des fois. Le gars de Pintante qui a envoyé son beef-trap sur une clôture pour t'es fâché. Ses voisins, là, t'es fâché. Ça devient, quand t'es fâché, tout devient légal. Et là, ben, et si les citoyens, Myriam, et si l'école rouge et les citoyens payeurs de taxes, si on estime qu'on se fâche et que notre cause est juste, qu'est-ce que ces dirigeants-là de syndicats nous permettraient de faire? Est-ce qu'ils nous laisseraient perturber une de leurs manifs ou encore aller à leur réunion syndicale puis vandaliser le monde? Moi, quand je vois les voitures de police recouvertes d'étiquettes, là, d'autocollants aux voleurs, etc., puis on n'a rien volé, ça me scandalise. Parce que les voitures de police appartiennent aux citoyens. Oui, c'est à nous autres. Ouais. Bon, ce qui veut dire qu'à partir du moment où les policiers acceptent de se servir des voitures de police comme de panneaux publicitaires pour leur cause, ils vont devoir l'accepter pour n'importe qui. Donc, à partir de demain, je pourrais aller placarder sur les voitures de police les cols rouges en colère, toutes sortes de slogans. Et les policiers devraient me laisser faire, puisque maintenant, les voitures de police, les voitures patrouilles, servent de moyen d'expression. Panneaux publicitaires.